C'est facile de se marier. C'est positivement plus dur de s'en sortir après. Alors, c'est la même chose pour l'astral. D'ailleurs, c'est astral tout ce que je viens de dire. C'est le rapport à l'astral. Alors, lorsque l'on voit un paysage qui est extrêmement beau, premièrement, il faudrait qu'on se pose la question, pourquoi y rentrer? C'est comme lorsqu'on voit une apparition fantomatique, est-ce que plusieurs personnes, dépendant de l'impression du fantôme, si c'est un espèce de grand maître qui a l'air extrêmement beau, qui sent la fleur de pomme, ben on veut communiquer avec. Mais lorsque le même fantôme, la même entité apparaît sous la forme d'un loup-garou, par exemple, ben là, on ne veut pas communiquer avec. Alors, c'est la même chose. L'important, c'est de savoir pourquoi on veut communiquer avec quelque chose. Est-ce qu'il y a une utilité de communiquer avec quelque chose ou de pénétrer dans un paysage? Parce que sachez bien que ce que l'homme vit dans sa tête, ce n'est pas une réalité qui va lui permettre d'évoluer, qui va lui permettre de s'améliorer. Il est bon que l'homme pense. Il est bon que l'homme puisse voir des paysages dans l'astral, par exemple. Il est bon que l'homme commence à percevoir, à voyager dans l'astral, peut-être. Mais ce n'est pas dans l'astral que l'homme va être instruit par l'astral. Dans l'astral, l'homme ne peut qu'être instruit du fait qu'il est manipulé par le plan astral, du fait qu'il est assujetti à l'astral et du fait qu'il se fait charrier par l'astral. Mais lorsqu'on rencontre un maître dans l'astral, sachez bien que cet astral de maître ne vous enseignera jamais rien qui va vous permettre de vous libérer de lui. Et ça, c'est important parce que si un maître quelconque, quel qu'il soit, ne vous instruit pas de façon à ce que vous n'ayez plus besoin de lui, tuez-le. Quelque chose qui tend à vous assujettir, c'est quelque chose qui ne peut pas vous libérer. C'est évident. C'est évident comme ça. Et c'est rarement évident lorsqu'on se fait pogner par quelque chose comme ça. Un paysage astral qui est extrêmement beau, dans lequel je rentre, dans lequel je nage, lorsque je veux m'en sortir, je ne peux pas. Dites-vous pas, parce que ça fait une demi-heure que vous êtes dedans, ça vous prend une demi-heure à revenir. Pas de distance matérielle dans le plan astral. Si vous rencontrez un guide, un maître, et quand vous dites « je vais prendre un break », le guide ou le maître vous dit pas tout de suite, c'est le temps maudit de prendre un break. Puis si le guide va frapper à votre porte pour venir vous demander si vous revenez, c'est le temps de changer de guide, de changer de maître. Parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas, c'est évident. Les choses que l'homme ne voit pas, c'est évident aussi. Maintenant, parce que vous ne voyez pas, c'est une raison beaucoup plus valable de ne pas faire confiance à ceux qui voient que de se dire, lui voit, je lui fais confiance. Parce que même si moi, je vous dis des choses d'un ordre qui vous échappe, ce n'est pas une raison de me faire confiance parce que ça vous échappe. C'est mauditement raison de plus de douter de ce que je dis, de ne pas refuser ce que je dis, mais de ne pas l'accréditer ouvertement sans problème. Il y a un adage chrétien qui dit qu'un beau mentir qui vient de loin. Si je viens d'Afghanistan, je peux vous dire n'importe quoi sur l'Afghanistan, vous ne pouvez pas me contredire. Vous allez donc me croire, ce qui est stupide. Vous ne pouvez pas me contredire, mais ne me croyez pas. Et ce qui fait du sens selon ce que vous avez, vous l'accréditez pour vous, pas parce que je le dis. Si je vous parle du plan supramental, ne pensez pas que le plan supramental, il va être comme je vous le dis. Parce que ce que vous pensez que le plan supramental est ce que vous avez entendu de ce que j'ai dit. Alors, même si je voudrais être le plus pur des orateurs, vous n'êtes pas un auditoire pur. Vous allez interpréter. Vous n'avez pas la connaissance de ce que je dis. Vous allez donc l'adapter à ce que vous savez. C'est donc automatiquement faux. C'est impur. C'est coloré. Alors, si on voit un paysage, par exemple, extrêmement beau, qui, lorsqu'on pénètre dedans, nous calme, c'est écœurant, mais sachez bien que la personne qui est calmée d'une façon à ne plus pouvoir rien faire d'autre, c'est un peu comme une drogue, elle est en danger. Parce que s'il y a une agression dans un autre plan, elle ne pourra pas rien faire. De pénétrer dans un paysage astral, ça a une utilité. Cela peut vous enseigner comment vous en sortir. Et lorsque le paysage va vouloir vous pénétrer de force, bien, vous allez être capable de faire quelque chose. Parce que le soir, quand je me couche, je peux m'amuser à embarquer dans une fusée spatiale et à m'en aller. Puis j'y rêve comme ça me tente, quand ça me tente de rêver. Mais lorsque, de temps en temps, pour différentes raisons énergétiques, physiques, vitales, etc., je perds le contrôle de mon rêve et qu'on me fait rêver, et c'est le cas de la majorité de la planète, on me charrie. Soit contente de m'instruire, soit contente de me faire peur, ou encore qu'on... Parce que dans le rêve, lorsqu'on vous charrie, on puise votre énergie pour soutenir l'illusion du rêve. On dit que l'homme a besoin de rêver, sinon l'homme meurt. L'homme a besoin de certaines doses d'activité mentale au courant de sa nuit. Et ces doses d'activité mentale, présentement, ressemblent, c'est-à-dire que sont parallèles à l'enregistrement, possiblement mémoriel, d'un voyage astral. Mais le rêve n'est pas nécessaire à la vie de l'homme pendant son sommeil. Le travail mental est nécessaire parce qu'il orchestre la circulation énergétique comme la circulation sanguine. La personne va commencer à bouger pour que son système sanguin refasse circuler le sang à l'intérieur du corps. Et cela est vital pour la vie du corps, pas le rêve. La période d'activité, pas le rêve. Même si les deux présentement vont ensemble. Parce que sachez bien que votre système artériel voit son sang circuler par le pompage du cœur, mais que le système veineux, son sang ne circule pas par le pompage du cœur. Et le retour du sang vers le cœur n'est pas assuré par le pompage du cœur. C'est pourquoi une personne peut, à un moment donné, avoir les pieds qui enflent. Parce que le sang se rend, mais le sang ne part pas. Et qu'est-ce qui assure la circulation veineuse? C'est les mouvements musculaires, surtout. C'est pourquoi dans un sommeil, la personne doit bouger. Parce que vous savez qu'une personne qui est assise pendant 2 heures de temps et qui ne bouge pas, on dit elle est calme. Puis l'autre qui est comme ça, puis qui a le pied qui se promène, on dit nerveux. Mais celui qui ne bouge pas pendant 2 heures de temps, quand il se lève, il risque de tomber. Parce que les jambes, ils sont pas mal endolories. Alors, il faut bien faire attention. Si elle ne bouge pas, il peut y avoir des mouvements musculaires inapparents, mais on a besoin de ça là, dans le sommeil. Par contre, le rêve n'est pas nécessaire. Et lorsque moi, on me fait rêver de temps en temps, on me mène à des places que je ne veux pas aller, où on montre des gros monstres qui viennent pour m'attaquer, bien, je deviens plus gros que le monstre, j'écrase le monstre, puis je reviens dans mon rêve que ça me tentait. Et ça, c'est important, c'est pas de s'instruire comment se rappeler des rêves qui est important, parce que la connaissance du rêve, qu'est-ce qu'elle amène à l'homme? Elle instruit l'homme de ses failles. Garde, on a pu te charrier de telle manière parce que tu as telle faille. Et ne connaissant pas cosmiquement ce qu'est le rêve, on interprète le rêve par rapport à un état psychologique. Tu as rêvé d'un chat, quelqu'un parlant mal de toi. Quelqu'un à qui tu te rapportes, quelqu'un en qui tu mets ta confiance parlant mal de toi. Tu rêves de chat. Mais en réalité, il y a des énergies qui créent le chat. Dans l'astral, et lorsque tu te fais charrier pour visualiser ce genre d'énergie dans ta conscience psychologique, c'est que tu as des failles. Et ces failles-là, on les interprète d'une façon plus psychologique ou de voyance, de prédiction d'avenir, mais en réalité, c'est faux. Ça fonctionne. Mais le rêve, c'est pas ça. On rêve pas pour savoir ce qui va se passer. On connaît l'astral par le rêve parce qu'on se fait charrier dedans. L'important, c'est pas comment rentrer, c'est comment en sortir. Il y a des personnes qui veulent se rappeler de leur rêve. Toutes les nuits, elle fait des cauchemars, mais elle ne s'en souvient pas. Quelle heureuse personne. Elle pratique le souvenir du rêve. Toutes les nuits, elle fait des cauchemars, mais elle s'en rappelle. Comment ça se plaint? C'est toujours le gros problème de l'homme. Voir l'aura, et après ça, tu en vois partout. Tu n'arrives pas à dormir. Comment tu fais pour arrêter de voir l'aura? Pas penser à ça. Ouvrir, c'est une chose. Fermer, c'est une autre. C'est fermer qui est compliqué. Rentrer dans l'astral, cela développe des choses chez l'homme. C'est pas dangereux, tant qu'on n'a pas peur. Mais il faut s'habituer à sortir. Vous rêvez, vous êtes dans un rêve, changez le rêve. Et plus le rêve est épeurant, plus c'est dur, et plus le rêve est beau, plus c'est dur. C'est dans les deux extrêmes qu'il faut qu'on change. Pas juste quand on a un rêve mauvais. Parce qu'on se fait charrier autant quand on a un rêve qui est bon. Alors, quand on voit un paysage, que ce soit en sommeil, que ce soit consciemment, c'est un voyage astral qu'on nous demande, on est appelé à décoller, à rentrer dedans, à voyager dedans. Ben, on peut voyager à la condition qu'on peut sortir quand ça nous tente. Et ça, c'est la réponse à la question. Il n'y a aucun danger sans ça. Ici, on a une question collective que sûrement plusieurs personnes se posent ici, à deux côtés. Quand on voit l'intelligence de faire quelque chose et qu'on n'a pas l'énergie pour le faire, Est-ce de l'énergie mentale qui nous manque? C'est chiant, en tout cas. La deuxième partie, est-ce qu'on doit attendre et accumuler de l'énergie ou cela dépend de notre taux vibratoire assez élevé pour le voir, mais trop bas pour l'exécuter? Bon, il y a des choses qui, dans notre société, ont été éliminées. Notre société européenne, disons, occidentale. Je ne parle pas de la ville de Montréal ou du Canada ou du Québec. Quand on voit l'intelligence de faire quelque chose et qu'on n'a pas l'énergie pour le faire, parlez-en. Et là, on va dire de vous, grand parleux, petit faiseux. Mais le fait d'en parler cristallise les énergies et parlez-en de façon à vouloir le faire. Et c'est malvenu parce qu'on s'attend à ce qu'on est impatient. Je vais changer, tu vas voir. 6 semaines après, tu ne vas pas changer. Oui, je vais changer. Laissez-y le temps. Dans 5 ans, il va être changé. Mais si on ne lui permet pas de changer, dans 15 ans, il ne sera toujours pas changé. Alors, c'est la même chose pour n'importe quoi. Vous voyez l'intelligence, discutez de l'intelligence de la chose. On peut se motiver de cette façon, mais c'est encore mieux de discuter de l'intelligence de la chose de plus en plus, de travailler, de faire des projets, de faire des plans, de l'analyser, et à un moment donné, cela va vous donner l'énergie pour le faire. Parce que si vous voyez l'intelligence de faire une chose, vous avez suffisamment d'énergie mentale pour voir la chose, prendre conscience d'un état. Mais vous avez suffisamment d'énergie astrale pour vous rendre paresseux, pour vous rendre peureux, pour camoufler, pour vous empêcher de le faire. Alors, juste le fait d'en parler, la parole, elle ajuste la parole qui ajuste la pensée, et la pensée mentale surtout, et le fait d'en parler d'une façon intelligente. Pourquoi c'est intelligent? Parlons-en. Puis parlez-en presque d'une façon politique, de façon à vous énergiser à le faire. Puis à un moment donné, vous allez avoir l'énergie pour le faire. Mais pas en parler d'une façon non énergétique. Oui, oui, je suis bien, je vais finir par le faire, c'est bon. D'une façon énergisante, convainquez-vous, dites-vous-le, donnez-vous des ordres. C'est à votre psychologie que vous allez ordonner. Mais c'est ça qu'il faut faire. Puis à un moment donné, vous allez réussir à le faire. Mais il faut que vous soyez patient. Ça fait 2 ans que vous le répétez, pas de problème, le temps avance. C'est vrai. La question revient au rêve que tu viens juste de parler. Tu dis que l'homme dit devoir rêver, sinon il meurt. Alors, peux-tu expliquer que je ne rêve pratiquement jamais depuis plusieurs années, ou je ne me souviens pas de mes rêves? Je me couche pour dormir à la limite de la fatigue. Est-ce que cela peut modifier le fait de rêver ou pas? Il y a une différence entre rêver et se rappeler qu'on a rêvé. Et la majorité des personnes qui ne rêvent pas en réalité rêvent, mais ne s'en rappellent pas. Parce que qu'est-ce qui va faire qu'une personne qui se couche se réveille en forme et à un autre moment donné se réveille plus ou moins en forme et elle n'a toujours pas rêvé, c'est qu'elle a rêvé et cela dépend de son rêve. De quelle façon elle a été charriée au courant de la nuit, de quelle façon elle a gaspillé son énergie pour lutter contre un rêve, pour voyager dans un rêve, pour poursuivre un rêve, pour ne pas se réveiller, pour se réveiller, de quelle façon elle a puisé d'énergie là-dedans et elle aura un réveil qui sera en relation avec la perte d'énergie au courant de la nuit. Parce que la nuit, le corps se repose. Le corps vital tend à se reposer, puis le corps astral, il se repose presque pas. Lui, il se promène, il voyage, il s'amuse. Ou bien non, il a peur, il fuit, il lutte, il évolue, il cherche quelque chose, il réfléchit, il pense. Puis le corps mental un peu aussi. Ce corps-là ne se repose pas comme ça. Pour avoir un repos psychologique, c'est pas le sommeil qu'il faut. Il faut changer d'espace, il faut voyager, il faut prendre des vacances, changer d'endroit. Quitter la maison, s'en aller ailleurs. Là, on a un repos psychologique. Et on doit, pour avoir un bon repos psychologique, avoir un repos physique adéquat. Mais le repos physique nécessite le sommeil, pas le repos psychologique. Le repos psychologique pour rendre à l'homme une intégrité, réénergiser d'une façon merveilleuse l'homme, de façon à ce que vous vous couchez et que lorsque vous vous réveillez, vous êtes tout barbouillé d'enthousiasme, pep-en-pep. Le corps astral, c'est-à-dire que l'extra-conscientisation du astral, lorsque la conscience astrale a l'impression de voyager, parce que le voyage astral tel quel ne se fait pas, l'homme peut se créer un double astral pour comprendre qu'il voyage, et j'ai déjà expliqué lors d'une conférence, je crois, sur le voyage astral, que l'homme peut même voir son double astral, ce qui prouve qu'il n'est pas dedans, Il n'a pas besoin de corps astral pour voyager. Il y a certaines régions, et il y en a une entre autres, dans le haut astral spirituel, qui est à peu près pas connu par l'homme, parce que l'homme n'a pas le contrôle de son sommeil. Et lorsque la conscience astrale, le corps astral, disons, va dans cette région, il demeure là quelques secondes, il peut revenir, et lorsque la personne se réveille, elle a un corps astral totalement réénergisé, elle a aussi un sommeil physique qui est réparé comme jamais. Ce qui fait qu'une personne peut s'endormir et une minute après se réveiller et être bonne pour faire encore une journée. Maintenant, l'homme est charrié. La conscience astrale s'en va dans l'astral pour rejoindre cette région de l'astral et il se fait embarquer et l'homme se met à rêver. Bon. Alors donc, la personne qui ne rêve pas, c'est une personne qui ne se rappelle pas de ses rêves. Et se coucher à la limite de la fatigue peut être bon pour certaines corporalités, certains corps, et être mauvais pour d'autres, cela dépend de chaque individu, mais c'est simplement le fait qu'elle ne se rappelle pas de ses rêves. On demande ici... Là, c'est sec. Veux-tu résumer les qualités qu'aura le combattant du Verseau? Je ne sais pas si tu vas pouvoir le faire même sans eau. Oui. On est parti m'en chercher, pas... On m'a vu. Tu pourrais-tu parler, Daniel, en même temps, cette question-là, ça me venait tantôt en arrière... On demande si les qualités qu'aura le combattant du Verseau, mais qui est le combattant du Verseau, puis c'est quelles armes qu'il a? Je sais que tu as parlé un petit peu tantôt des sens physiques puis les autres sens. Mais... Je peux en parler, mais ça ressemble un peu à décrire ce que serait un surhomme, ou le surhomme du Verseau, ou l'homme nouveau. La semaine dernière, je crois, on a fait un recensement, on a demandé combien qu'on avait d'hommes nouveaux dans la salle. On en a eu 3. Bon. Alors, évidemment, cela peut paraître un peu rêvé pour les autres lorsqu'on définit ce qu'est pourrait être un combattant du Verseau ou un homme du Verseau, un homme nouveau. Bon, premièrement, le combattant du Verseau ou l'homme nouveau qui sera automatiquement un combattant ne se laissera jamais colorer par son émotion. On l'a vu souvent au niveau de l'homme du Verseau, c'est la même chose. Il sera conséquentiel dans ses actes, c'est-à-dire qu'entre deux choses, il choisira la meilleure. Entre deux mots, il choisira le moins pire. Et il n'ira pas par attraction, par amour astral, mais il fonctionnera par amour mental. C'est une affection supérieure à l'amour qu'on connaît, qui est l'ombre de l'amour mental. Les qualités, premièrement, évidemment, il se servira de son corps. Il connaîtra l'intelligence du corps. Il connaîtra la valeur d'un corps physique. D'un corps physique en santé. Il connaîtra la valeur d'un corps physique qui est capable d'exploiter au maximum ses possibilités. Il vous manque un bras. Le combattant qui a un bras en moins ne se sent pas inférieur. Il développe au maximum les capacités de son corps, tel que son corps est. C'est une personne qui, donc, ne se laissera pas embarquer par la paresse psychologique qui tend à donner à l'homme l'impression qu'il n'a pas besoin d'avoir un corps en santé dans la société d'aujourd'hui. Parce que lorsque je suis malade, je vais voir un médecin. Lorsque je descends un escalier, il me faut une cheville, je vais à l'hôpital. Je n'ai pas besoin d'apprendre à descendre un escalier. On me rebâtit. Et le combattant du Verseau, donc, aura la qualité de connaître la valeur du corps physique. Des sens corporels qui lui permettent de savoir ce qui se passe à l'extérieur. Lorsqu'une personne a peur, c'est parce qu'elle ne connaît pas l'extérieur. Elle a une conscience limitée et juste suffisamment évoluée pour lui faire prendre conscience qu'il y a un extérieur qu'elle ne connaît pas. Et ça, c'est dangereux, c'est épeurant pour une personne. Vous pourrez vous payer le luxe de ne plus avoir à vous battre lorsque vous pourrez vous battre. Le non-violent qui refuse de se battre parce qu'il ne peut pas se battre n'est pas un non-violent. Il n'y a pas le choix. Lorsqu'une personne, dans n'importe quelle situation, est capable de sortir, de s'en aller, et a cette sécurité intrinsèque à lui qui n'est pas développée par une motivation psychologique, mais par une réalité mentale. La mort, c'est pas dangereux. Mais mourir bêtement, c'est stupide, c'est épeurant. C'est ça qui fait peur, surtout. Je vais mourir sans savoir pourquoi. Je vais mourir sans savoir si j'ai accompli quelque chose. Je vais mourir sans savoir s'il y a quelque chose après. Je ne sais pas. Et je vais mourir sans rien savoir. Et lorsqu'on a un guerrier qui, par exemple... On prend des exemples qui ne touchent pas tout le monde ici, mais je pourrais prendre, on est quoi, 75 ce soir? Bon, je pourrais prendre 75 exemples, et là, vous verriez. Alors, essayez de faire une relation. Vous êtes, par exemple, dans la forêt, vous êtes perdu, et vous vous promenez. L'esprit du guerrier, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas peur. Il n'a pas peur, pourquoi? Parce qu'il se connaît. Pas parce qu'il se motive, pas parce qu'il lutte contre la peur. Parce que lutter contre la peur, c'est pas un esprit de guerrier du Verseau, c'est un combattant piscéen, du poisson. Mais pas un homme nouveau. Parce que chez l'homme nouveau, chez le combattant du Verseau, la peur ne naîtra pas. Il ne luttera pas contre la peur. Le combattant du Verseau ne luttera plus contre lui-même, ce qui a toujours été l'enseignement traditionnel de l'ère du poisson. Contrôle-toi. Le combattant du Verseau ne se contrôle pas. Et il ne se contrôle pas sous tous les sens. Vous ne pouvez pas le contrôler, il ne peut pas être contrôlé, et lui-même ne se contrôle pas parce qu'il n'y a rien chez lui à contrôler. Et ça, c'est en gros la définition du combattant du Verseau. Il n'a pas peur, la peur n'existe pas. Qu'est-ce que c'est la peur? On a déjà fait des conférences sur la peur. Une qui s'intitulait « La peur de l'Apocalypse », mais en fin de compte, on a parlé de la peur chez l'homme. La peur, on lutte contre, parce qu'elle est inutile. C'est inutile, pourquoi qu'elle vient au monde? Elle vient au monde parce, pour différentes raisons qu'on a déjà vues dans d'autres conférences. L'homme ne lutte pas contre la peur lorsqu'il n'y a pas de peur chez lui. L'homme ne lutte pas contre la jalousie lorsqu'il n'y a pas de jalousie chez lui. L'homme n'est pas violent parce que l'homme n'a pas peur. Et le guerrier du Verseau, le combattant du Verseau, l'homme nouveau, n'aura pas peur. Alors, vous êtes dans la forêt, vous êtes perdu. Si vous avez à mourir, vous allez mourir. Mais vous allez avoir épuisé tout votre être avant. Et là, vous pourrez dire, j'avais à mourir. Mais lorsqu'un homme meurt subitement, bêtement, perdu dans le bois, est-ce qu'on peut dire, oh, il y avait à mourir? Il n'y avait pas à mourir. Il n'a jamais rien fait pour apprendre à vivre. C'est ce qu'a fait l'homme. Lorsqu'un homme meurt dans un accident d'auto, lorsqu'un homme meurt dans un accident d'avion, lorsqu'un homme meurt dans n'importe quoi, c'est pas qu'il était dû pour. Mais il s'est jamais servi de sa vie pour apprendre à vivre. Il s'est pas éduqué. Et cette éducation est l'éducation du combattant. Vous rentrez dans une ruelle, vous vous faites attaquer. Mais rentrez donc pas dans la ruelle. Ouais, mais comment j'aurais pu savoir? Il y a des sens vitaux qui se développent facilement qui vous l'auraient dit. Vous arrivez quelque part, ça marche pas. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Je me casse pas la tête. Je m'en vais pas dans un endroit qui est dangereux pour moi. Mais je ne fais pas comme l'homme qui essaie de s'entourer de sécurité. C'est pas ça que je fais. J'ai été au Guatemala. J'étais dans des régions où d'autres ont déjà été. Mais moi, j'en suis revenu. Mais je suis rentré là où il fallait rentrer, quand il fallait rentrer, comme il fallait rentrer, parce que je savais que c'était comme ça qu'il fallait le faire. Sinon, je le faisais pas. Et ça se développe. Je ne suis pas différent de la race humaine. La seule chose qu'il y a, c'est que je m'assume. Je me suis prise en main et j'ai décidé d'être le maximum de ce que je pouvais être. Mais sous tous les plans. Et pourquoi commencer par le plan le plus difficile? C'est modestement plus facile, hein, de commencer par le plan facile, le plan physique. C'est dur. Fait qu'imaginez-vous les autres plans où on commence à vouloir évoluer dans des plans plus... Je veux développer ma voyance. Pourquoi? Pour avoir plus peur de ce qui s'en vient. Je veux développer ma faculté de guérir les autres, parce que je dois donner aux autres. Mais quand tu vas être malade, qui va te donner? Quand tu vas avoir attrapé toutes les maladies de ceux que tu vas avoir guéri, Dieu va me remettre au centuple. Mais Dieu, tu ne le connais pas. Puis tu n'as aucune idée avec quel Dieu tu signes un contrat. Fait que si tu es toi tout de suite là, puis que tu commences à t'occuper de toi, et à travers ça, on l'a déjà vu dans d'autres conférences, ceux qui datent de quelques semaines, qu'on était dans un écosystème d'évolution. Alors moi, si je veux me parfaire, je dois faire attention à l'extérieur, parce que l'extérieur, c'est lui qui me permet de me parfaire. De cette façon, je dois travailler en collaboration avec l'extérieur, pas au nom d'une loi divine, au nom d'une loi d'intelligence, qui est supérieure aux lois divines. Parce qu'au lieu de faire de l'altruisme mal, parce que je le fais au nom d'une loi divine, mais je ne comprends pas comment, mais si je le fais au nom de l'intelligence, je vais bien le faire. Je ne peux jamais manquer mon coup. Et au nom de l'intelligence, bien évidemment, ce n'est pas au nom de rien. C'est quand on comprend l'intelligence de le faire. Le guerrier a différentes qualités, qui sont les qualités de l'homme nouveau. En l'occurrence, il vit dans un écosystème, donc il vit pour lui en collaboration avec l'extérieur. il n'a pas peur, il n'a pas toutes ces choses de l'homme du poisson, et il commence par l'entretien de son corps physique, parce qu'il a compris l'intelligence d'un corps physique en santé, pour avoir une évolution conséquentielle en santé. Le gourou qui, on en voit de temps en temps, qui sent peut-être la pétale de rose, mais qui pèse 450 livres, et qui prône le jeûne, parce qu'il y en a, il y en a beaucoup. Comme on a eu beaucoup de prêtres aussi, qui les offrandes à Dieu, ils les bouffaient. Il y en a beaucoup, dans l'Antiquité comme aujourd'hui. Parce que pour donner à Dieu, tu donnes à l'Église. On rebâtit le clocher. On achète un nouveau char pour le prêtre. C'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ce qu'on pensait faire, c'est pas ce qu'on faisait. Alors, lorsqu'on a un maître qui ne s'occupe pas de son corps physique, il y a un problème. Lorsqu'on a un maître qui s'occupe de son corps physique, il y a de fortes possibilités qu'il s'occupe de d'autres choses. Si on prend, par exemple, Li Shulong, certains connaissent. Il s'est occupé de son corps physique. Il s'est occupé de d'autres corps. Il a fait quelques petites erreurs. Il s'est occupé de son corps physique. Il l'a poussé à un point tel qu'il était l'une des plus grandes machines de guerre humaine sur la planète. Et il n'a pas su faire évoluer les autres corps au même rythme que sa machine physique. Il s'est fait avertir, il a fini par comprendre, il avait une solution, disparaître, ce qu'il a fait. Il n'est pas mort, même si on pense qu'il est mort. C'est qui? Bruce Lee. Bruce Lee, oui. Bon. Petit dragon. Alors, on a plusieurs choses, et lorsque vous rencontrez une personne qui, à travers ces plusieurs choses, fait fi de son corps physique, doutez déjà. Je ne parle pas, elle mange de la viande. Elle peut manger de la viande. Si son corps physique l'assimile à merveille, il la digère à merveille, aucun problème. C'est pour ça, faire attention à son corps physique. Bon, la personne qui est malade, elle a le droit d'être malade. Mais la personne qui fait en sorte d'avoir un corps physique le plus adéquat possible, c'est-à-dire en santé, elle fait partie de l'homme nouveau. Et c'est quoi avoir un corps en santé? C'est d'avoir un corps qui va exprimer le maximum des capacités que le corps peut exprimer. Donc, je ne mets pas la définition de santé à ce qu'on connaît présentement. Vous avez présentement un défaut physique. Pouvez-vous l'améliorer? Non, vous êtes en santé. Oui, vous êtes malade. C'est simple, la santé. Maintenant, elle permet à la psychologie de dire, je ne peux pas m'améliorer. Mais là, vous êtes malade pareil. Alors, en santé, c'est pas d'être comme moi ou d'être comme un autre, d'être comme un autre. En santé, c'est d'être capable de se servir au maximum de ce que nous avons dans le plan physique, parce que c'est le plan physique qui permet l'expression de l'homme. Pourquoi vous avez un corps physique? Pas pour souffrir, c'est pas vrai. La souffrance, c'est parce qu'elle plaît à l'homme. Et elle est surtout psychologique, la souffrance, rarement physique. On n'a pas un corps physique pour souffrir, on a un corps physique pour nous permettre d'évoluer, d'expérimenter la matière sur la planète Terre. Alors, faut qu'on ait un véhicule qui a de l'allure. Dernièrement, vois-tu, à Outremont, on interdisait les maillots de bain dans les parcs publics. Et... Il y a différentes manières d'afficher un corps. On peut l'afficher psychologiquement, puis on peut aussi faire prendre le soleil. Mais on doit le mettre en santé aussi. Et si Dieu ou l'air de quoi, on a un corps physique, une chose qui est sûre. Et chaque fois qu'on a des souffrances, c'est parce que nous avons des limitations physiques. Et chaque fois qu'on rêve d'évolution, on rêve de surpasser nos limites, qui sont souvent données par le physique. Et on peut surpasser des limites physiques à la condition qu'on fasse de notre corps physique la base la plus parfaite pour ensuite asseoir les autres corps. L'homme évolue d'une capacité avec un corps astral immense, un corps psychologique bourré de désirs, d'émotions, de peurs, de contraintes, d'évolution, de tout ce que vous voudrez, avec un corps physique qui ne peut pas suivre. Alors, on doit bâtir une base physique, une base vitale, une base astrale, une base mentale et créer un homme. Et pas juste une relique de l'homme qui évolue. Alors donc, Les qualités du combattant du Verseau sont énormes. Les résumés, ben, l'homme va être, c'est comme l'homme nouveau. On en parle, j'en ai parlé un peu là. C'est un homme qui ressemble à un surhomme et qui est accessible à n'importe qui. Par contre, la personne doit évidemment faire le travail pour arriver à s'améliorer. J'ai déjà expliqué qu'on a des personnes qui recherchent pendant 15 ans pour trouver une solution rapide à leur évolution. 15 ans, 20 ans, 30 ans. Elle arrive quelque part, oh non, ça c'est trop long. Elle part. Ah, ça c'est trop long. Elle veut quelque chose de rapide. Et pendant 50 ans, elle cherche quelque chose de rapide. Alors que pendant 5 ans, elle pourrait faire quelque chose de long qui réglerait ses problèmes. Alors, au lieu de perdre 50 ans à rechercher l'étincelle, tu perds 5 ans à l'avoir, l'étincelle. Puis ça, c'est toujours le problème de l'homme. Il recherche une solution miraculeuse. Pendant ce temps-là, il laisse tous ses corps s'en aller au diable. Il faut faire bien attention. Sur le même sujet, par rapport aux quatre véhicules, ici, est-ce possible d'aller chercher par soi-même le même résultat en pratiquant toute seule, sans aller à des cours, je veux dire, les quatre plans que tu as parlé dans la première partie? Plan physique, vital, astral et mental. Alors, c'est bien évident qu'une personne n'a pas besoin de cours pour apprendre. Imaginez-vous, qu'est-ce que ce serait? Ça veut dire qu'il faudrait que j'aille à une école pour apprendre. Puis que le professeur faudrait qu'il aille à une école pour apprendre. Et à un moment donné, il n'aurait plus d'école. Ça fait que personne n'aurait jamais appris. L'homme peut apprendre par lui-même. D'ailleurs, l'homme doit apprendre par lui-même. Mais lorsque l'on parle de cours, il y a des cours où on vous montre. Et il y a des cours où on vous force à apprendre. Il se fait. Si on regarde, par exemple, le PMC, le programme de contrôleur, on ne vous montre pas grand-chose. On vous force à apprendre. On a des axiomes qui sont typiques du PMC et il y en a un qui dit que l'homme doit apprendre qu'il peut apprendre, l'homme doit apprendre comment apprendre. Pour ça, l'homme, il sait tout. Pas tout de suite, potentiellement, parce qu'il sait. Une personne qui fonctionne par elle-même, c'est évident qu'elle va arriver au même résultat. Elle peut arriver plus rapidement que dans un cours, mais elle peut arriver plus lentement dans un cours. Alors, chaque personne doit voir de par lui-même, de par elle-même, si elle a besoin d'être dans une énergie collective, un cours collectif, même si le cours tend à enseigner l'individualité, elle baigne dans une atmosphère, ou si elle est capable, de par son individualité, d'arriver à le faire. Mais une chose qui est certaine, c'est que plusieurs vont devoir passer par des cours dans le début et d'autres n'auront pas besoin de ces cours. Et c'est pas une question d'orgueil de dire « moi, je n'ai pas de besoin, moi, j'ai de besoin ». Parce que l'orgueil voile souvent la stupidité. La personne, elle a elle-même à juger. C'est évident qu'une personne, de par son propre cheminement, va arriver là. Parce qu'imaginez-vous que des personnes qui, dans la salle ici, ont fait à peu près tout ce qui existe comme religion, ont suivi des cours un peu partout dans les écoles traditionnelles et dans d'autres choses, et sont présentement arrivées à pouvoir comprendre ce que c'est la manipulation astrale. Et d'autres personnes n'ont jamais rien suivi, ne connaissent rien de l'ésotérisme, arrivent à une conférence, entendent parler de l'astral, ça prend une conférence ou deux avant qu'ils comprennent ce qu'on veut dire par là, et, ben oui, c'est évident, c'est ça que je vis depuis un an. Ils n'ont jamais passé, ils parlent tous les cours de tout le monde. Alors, on a donc différents cheminements parce qu'il y a différents individus et on ne peut pas dire qu'un cours ou tel cours ou telle école ou tel enseignement, c'est la solution miracle. Faudrait pour ça qu'on aille un genre d'être humain. On n'a pas un genre, on est 4 milliards 800 millions, on a à peu près ça de genre d'être humain. Certains peuvent se réunir pour avancer, cela va, d'autres ne peuvent pas le subir, d'autres sont fait charrier par des cours et ne veulent pas suivre des cours, ils n'en suivent pas. Mais c'est évident, je ne peux pas dire qu'une personne qui ne suit pas tel cours était bannie. Je suis le premier à être stupide à dire ça. Alors, la personne pose une question, mais je crois qu'au fin fond de même, elle connaissait déjà la réponse. Et je crois qu'il n'y a personne qui peut vous dire l'inverse. C'est pas nécessaire de passer par une religion pour atteindre Dieu. Parce que si Dieu n'est pas capable d'aller vous chercher autrement que si vous passez par une religion, c'est pas le bon Dieu. Alors, c'est la même chose pour l'évolution. La vie va vous instruire. Certaines personnes rentrent dans une vie plus coordonnée, qui peut être un cours, qui peut être comme le programme être contrôleur. Cela a des bons résultats, cela a des bons effets. D'autres personnes ne le suivent pas, ils vont avoir les mêmes effets, c'est bien évident. Sinon, je serais extrêmement déçu de l'humanité, oui. Peut-on dire que l'astral haut est une forme de spiritualité qui se termine avec l'air du poisson? On a des questions dangereuses ce soir. L'astral haut n'est pas une forme de spiritualité, c'est la spiritualité. Il n'y a aucune spiritualité à l'extérieur de l'astral. L'astral, c'est le schéma mémoriel de l'homme. Ceux qui viennent peut-être m'entendre la première fois et qui n'ont pas trop de compréhension de l'astral, si vous persévérez deux ou trois conférences, cela va être extrêmement clair. Donc, je ne veux pas trop expliquer ce qu'est l'astral pour ceux qui déjà connaissent. Maintenant, l'astral va se terminer. L'astral ne se terminera pas avec l'air du poisson. L'astral va se terminer avec l'air du Verseau. Parce que l'air du Verseau va être l'air qui va purifier l'homme des contingences spirituelles, des contingences astrales manipulateurs. La spiritualité, c'est quoi? C'est lorsqu'une personne a la foi. Lorsqu'une personne a la foi en des divinités. Lorsqu'une personne a la foi en des êtres supérieurs. Alors, cela peut être un dieu, cela peut être un extraterrestre, cela peut être quelque chose. La spiritualité, c'est lorsque l'homme a la foi. Et la foi, c'est lorsque vous croyez. Et croire, c'est ne pas savoir quelque chose, mais cela va avec notre énergie et on attache de l'importance, on dynamise cette énergie assez qu'on en fait une réalité, sans avoir à expérimenter la réalité. Ce qui fait qu'à un moment donné, on ne veut pas expérimenter la réalité de peur de se rendre compte qu'elle n'existe pas. Donc, on a une foi aveugle en quelque chose, et c'est la spiritualité. Et l'homme du Verseau va être un homme intelligent qui va comprendre des choses, mais qui ne croira plus à des choses. Et l'air du Verseau est un air qui va permettre à l'homme, parce que l'air du Verseau, c'est pas long, c'est 2200 ans à peu près. Alors, l'air du Verseau va permettre à l'humanité d'abandonner ses croyances pour comprendre ce qui se passe. Et ce qui fait peur à l'homme lorsque je dis ceci, c'est justement parce que l'homme a peur de se rendre compte qu'il s'est voué quelque chose qui n'existait pas ou qui était faux depuis longtemps. Mais si cela est vrai, l'homme va le découvrir, mais l'homme a tellement plus peur de découvrir l'erreur qu'il a d'intérêt à découvrir la vérité ou la réalité, parce que la vérité, c'est une illusion de la réalité. La vérité, c'est une chose qui n'existe pas non plus. L'homme a tellement plus peur de se rendre compte qu'il a fait d'erreur qu'il préfère ne jamais savoir s'il a raison. Et c'est le problème de la spiritualité et des religions. Spiritualité ne veut pas dire rien que religion, c'est la foi. Foi en une tradition, foi en une école, foi en un enseignement, foi en une croyance, foi en la réincarnation, c'est la spiritualité. Foi en Dieu, c'est la spiritualité. Foi en l'homme nouveau, c'est de la spiritualité. Foi en tout ce que vous voudrez, c'est de la spiritualité tant que vous ne comprenez pas. Et lorsque vous comprenez, vous ne croyez plus. Hein? L'exemple que je donne le plus souvent, c'est lorsque vous voulez partir votre automobile l'hiver, vous avez foi qu'elle va partir. Parfait. Alors vous ne la connectez pas, elle va partir. Parfait. Et le matin, vous avez toujours foi qu'elle va partir. Et cette foi, elle n'est rien d'autre que rien. Si votre auto part quand vous l'essayez, vous savez. Vous n'avez plus foi. Vous savez. Et si elle ne part pas, vous n'avez plus foi. Vous avez peut-être foi, mais vous n'avez plus foi. Mais vous savez. Et c'est ça la chose. Et la religion ou la spiritualité évolutive, c'est exactement comme si l'homme se disait, « Mon auto, elle va partir. » Bon, mais vas-y, pars là, puis va-t'en. Oui, mais... c'est pas nécessaire, je sais qu'on va partir. Fait que là, je prends l'autobus, je m'en vais. C'est pas vrai de partir, je sais. Mais jamais il va vouloir aller vérifier au cas que l'auto parte pas. Ça fait 15 ans qu'il jure que telle compagnie, c'est bon, qu'on n'a pas besoin de la connecter, qu'on n'a pas besoin d'un chauffeur pour le bloc moteur, etc. Mais elle n'ira jamais essayer son char parce qu'elle sait qu'elle marche. Mais elle veut pas savoir. Et sûr. Et ça, c'est la spiritualité. Et l'homme du Verseau va dire, bon, ben, je vais aller l'essayer. Ça y est, il part, parfait. J'ai cru pendant 50 ans qu'elle partait, maintenant je suis soulagé, je ne crois plus. Je sais. Et il essaye, elle part pas. J'ai cru pendant 50 ans qu'elle partait, maintenant je suis soulagé, j'ai plus peur de l'essayer, elle part pas. J'ai fait fausse route, c'est tout. Mais maintenant, t'es soulagé, c'est fini. T'as plus peur de tenter ton Dieu, t'as plus peur de subir le courroux de ton Dieu, t'as plus peur de faire de péché, t'as plus peur de rien faire. Tu fais quelque chose parce que c'est intelligent. C'est un péché de tuer quelqu'un? Non, c'est stupide. C'est un péché de voler? Non, c'est stupide. Mais si quelqu'un t'attaque et qu'il veut te tuer, laisse-toi tuer, tu tues quelqu'un, toi. Défends-toi, tu es obligé de le tuer, tu le tues, tu tues quelqu'un, lui. Mais tue l'autre, c'est mieux. C'est un péché? Non. Ceux qui, à un moment donné, étaient pris après un écrasement d'avion et qui ont dû manger de la chair humaine. Le suicide est interdit dans leur religion. Et le cannibalisme aussi. Alors, tu fais quoi dans ce temps-là avec ta religion? Tu pries. Mais ton chum, il prie, puis il meurt. Puis l'autre, il meurt. Puis l'avion, on la trouve pas. Mais tu fais quoi? T'es pas pour manger de la tôle, t'es pas fait pour. Il y en a certains qui sont faits pour, ils font de l'argent avec ça. Ils mangent des avions, des moteurs d'avions, des bicycles. Mais toi, tu fais quoi là-dedans? Ben, c'est le temps que t'aies plus de religion. C'est le temps que tu deviennes un être intelligent, un être conséquentiel. Parce que entre manger le corps d'un homme, qui chimiquement a la même constitution que le corps d'un bœuf, en gros, que le corps d'une plante, mais qui n'a pas les énergies vitales, astrales, etc., qui l'ont baigné. Lorsque tu as à mourir et qu'il y a de la nourriture à côté et que tu préfères mourir, on traite certains hindous qui laissent le vache sacré traverser le champ puis les autres, pendant ce temps-là, ils meurent de faim. On les traite de niaiseux. Bien, c'est la même chose. Maintenant, votre éducation, pas juste celle que vous avez reçue, la manipulation de l'astral collectif qui est supportée par votre nom habituellement chrétien, va vous empêcher de manger un corps. La majorité ne pourront pas. Sauf si leur énergie astrale est suffisamment détruite par l'expérience pour qu'à un moment donné, ils puissent passer par-dessus. Alors, c'est ce qu'il faut faire. Tant qu'on a de cette spiritualité, on est assujetti à être manipulable et à être manipulé par cette croyance. Je croyais bien faire, oui, et tu as mal fait. Parce que si tu aurais réfléchi au lieu de croire bien faire, tu aurais peut-être découvert que ce n'était pas correct. J'ai cru bien éduquer mes enfants, oui. Mais est-ce que tu les as bien éduqués? Non. Tu te culpabilises pas avec ça, mais il faut que tu en prennes conscience. Faut pas que tu le fasses parce que tu crois. Faut que tu vois clairement ce que tu fais pour décider de le faire. Si on parle, par exemple, est-ce que les camps de nudistes, c'est correct ou non? Moral ou immoral? Il y en a qui vont là pour voir. Ça, ils voient-tu là? Parce que ceux qui ne pensent pas ça ne vont pas là pour voir. Ou se faire voir. Alors, si on regarde intelligemment ce qu'est la nudité corporelle, et non pas d'une façon psychologique, on arrive à un résultat. Et on va tous arriver au même résultat. C'est ça qui est traumatisant lorsqu'on devient mental, on arrive tous au même résultat. Maintenant, est-ce qu'on est prêt, tout le monde, psychologiquement, de soutenir ce résultat? Non. Certains vont dire « je suis pas prêt ». Mais ils lutteront pas, ils vont dire « c'est évident, mais je suis pas prêt ». Mais d'autres vont dire « non, non, non, c'est complètement stupide ». Prenons-le scientifiquement, analytiquement, mentalement, intelligemment, logiquement. On va tous arriver au même résultat. Et si on le prend psychologiquement, on risque d'avoir tous des résultats différents. Alors, la croyance, elle a trait à la psychologie, à l'astral. Et si on parle au niveau mental, il n'y a plus de croyance. Tu sais ou tu ne sais pas, mais tu sais toujours pourquoi. Dans quel plan le combattant du Verseau est-il appelé à combattre et qu'a-t-il à affronter? Bon, on va revenir sur ces choses-là au courant du mois de septembre, où on aura 4 conférences qui seront presque des suites sur l'homme nouveau, où on aura une conférence qui sera intitulée « La séparation des corps ». Corps mental, astral, vital et physique. L'énergisation des corps, ou l'observation des corps, l'énergisation des corps et en fin de compte, la fusion des corps. 4 conférences qu'on va faire. Où on va pouvoir traiter un peu plus de ce que l'homme a à combattre. Parce que si on aborde ce que l'homme a à combattre trop rapidement, sans préparer, disons, un peu les terrains, cela pourrait faire peur à des personnes, alors qu'en réalité, il n'y a rien d'épeurant. Sauf si on en a peur. Alors, ce qui fait que le combattant du Verseau se situe surtout au niveau du mental, c'est un être intelligent, donc il n'y a pas de violence en lui. Violence, c'est stupide. Pas parce que moralement, c'est stupide, parce que ça n'a aucun sens d'être violent. Donc, il sera un être intelligent et il aura à lutter surtout contre tout ce qui est astralisé sur la planète Terre. Alors, on va revoir ce qui est astralisé dans l'une de ces conférences du mois de septembre et pour préparer le terrain. Vois-tu, on a la semaine prochaine les guides de lumière de demain. C'est un peu le combattant du Verseau, mais celui qui va surtout aider la collectivité humaine à se diriger. Parce qu'on a des combattants du Verseau qui vont devoir lutter. C'est-à-dire qu'on a des personnes que peut-être même vous autres allez dire, comme on voit de temps en temps, sachez bien que de temps en temps, on a un conférencier qui va quelque part et on va le voir, et on dit, tu vois comment il est malade, il est perdu, lui, il est complètement flyé, ça n'a aucun sens. Soit qu'il est trop spirituel, soit qu'on peut critiquer. Mais cette personne-là peut être un combattant du Verseau qui a à venir se placer quelque part. Elle a conscience de tout, mais elle est obligée de se rabaisser à un niveau pour instruire une certaine collectivité. Et tout le monde la maudit, ceux qui sont plus hauts, parce qu'ils ne voient pas le rôle qu'elle a joué. Et il y aura beaucoup de combattants du Verseau qu'on va vouloir même détruire. Parce que le gros problème de la transition entre l'ère du Verseau, c'est que tous ceux qui sont pro-Verseau risque de nuire énormément à l'apparition d'un air du Verseau réel. Ceux qui sont contre le Verseau vont nuire, vont lutter pour empêcher la mentalisation de se faire, pour empêcher l'homme de comprendre ce qui se passe. On va lutter pour lui donner de la croyance à sa place. Et dans ceux qui vont vouloir amener l'air du Verseau, on aura un grand paquet qui vont nuire. Et dans ceux qui vont lutter contre le Verseau, il y en a un paquet qui vont l'amener inconsciemment sans le savoir. Et à travers tout ça, ben, il y aura un gros roulement et il y aura des personnes qui diront « Un tel, lui, c'est écœurant, on devrait même aller jusqu'à l'éliminer. » Alors que c'est peut-être un guerrier du Verseau qui sert une cause bien intelligente mais qui n'est pas visible et auquel il ne peut pas, il peut pas se vanter de faire la cause. Alors, on aura donc des énergies astralisantes, des énergies qui vont tendre à réintégrer l'homme dans sa croyance. L'homme est un être qui devra être sauvé. Un être qui ne peut pas se sauver lui-même. Un être qui doit attendre. Fait 2000 ans, t'attends le cave, attends encore. Bon, un être qui doit croire. Un être qui doit se mettre en collectivité parce que seul, il vaut rien. Alors, l'astralité planétaire va tendre à amener ça et le combattant du Verseau aura surtout à affronter ce genre de canalisation énergétique astrale. On a, pour préparer le terrain encore plus, la dernière conférence du mois d'août, c'est l'homme ou le maître esclave. Et suite à ça, on va pouvoir répondre et commencer un travail de conférence qui sera différent, qui sera un peu plus, non plus des conférences telles quelles, qui seront un peu aussi, disons, une suite, un cours. C'est pas nécessaire de citer toutes les conférences, mais qui, on fera un peu de travail autre qu'au niveau de la parole. Alors, mais il faut préparer le terrain pour ça, parce que sinon, si je te dis, tu vas au Vietnam, qu'est-ce que je vais voir au Vietnam? Je te montre des films. Ben, tu vas pas au Vietnam. Bon. Alors, c'est pas aussi pire. C'est différent. Mais l'homme qui prend conscience déjà de certaines choses qu'il aura affrontées dans sa conscientisation, va se faire charrier immédiatement par l'astral, qui va aller dynamiser ça, le grossir ça, et lui dire, tu vois, tant que tu comprends pas, puis tant que tu sais rien, t'es bien. C'est vrai que l'homme est bien tant que l'homme sait rien. L'homme, il se fait charrier, l'homme, il s'en va à une guerre, il se fait le monde, il sait pas pourquoi. L'homme, il bâtit des usines, il pollue, il s'en rend pas compte. Tant que l'homme ne sait pas, l'homme est bien. L'homme, il mange du poisson, du mercure dedans, puis l'homme, ben, il connaît la température. Le mercure monte, fait plus chaud, le mercure descend. Mais l'homme est bien. Puis quand l'homme commence à découvrir crime, l'eau est polluée, c'est traumatisant pour l'homme. Mais c'est ça qu'il y a, faut qu'on se traumatise suffisamment pour plus être traumatisé, puis maintenant agir sur ce qui se passe. Bien, c'est la même affaire au niveau du combattant du Verseau. Il y a des choses dans d'autres plans qui se passent, puis l'homme va devoir les découvrir, les connaître, apprendre à s'en servir, c'est ce qu'on va voir dans les autres conférences, et l'homme devra après ça commencer à lutter contre ça. Pas lutter d'une façon à lutter contre tout ça dans l'humanité, mais à se dissocier de ça. Premièrement, à être son seul maître, premièrement. Et après ça, il y aura un autre combat qui va se faire aussi. Mais le combattant, c'est-tu juste au début pour faire le transfert dans l'ère du Verseau, dans le sens que l'instruction que vous donnez, etc., qui est donnée à l'humanité, bon, à travail, à poli l'ego, je veux dire, le rough finit par être parti, mais pendant ce temps-là, il y a le roulement de tous ceux qui n'ont pas été atteints puis qui vont avoir aussi à être atteints. Donc, l'énergie va avoir à changer en même temps qu'elle va avoir à continuer. Bon, il y a des personnes qui vont vivre des phases apocalyptiques de transition piscéenne-aquarienne, de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. Certaines autres personnes vont vivre des phases qui ne seront pas apocalyptiques, qui seront extrêmement faciles. Ils ne pourront même pas dire qu'il y a eu apocalypse. D'autres personnes vont avoir conscience de tout ce qui s'est passé et ne seront pas mêlées à ça parce qu'ils auront su s'en dissocier. Alors, le combattant du Verseau va transparaître comme guerrier sans doute d'une façon assez évidente pendant la transition, mais l'homme va devenir un guerrier, un combattant, tout le temps de son évolution par la suite. L'homme a toujours été guerrier. L'homme luttait contre la pluie. L'homme luttait contre le froid, contre la faim, contre les animaux, contre l'homme, contre des idées, contre des oppressions. L'homme a toujours été un combattant. Mais l'homme a toujours été un combattant qui luttait pour la paix, qui luttait pour l'arrêt du combat. Et de ce fait, l'homme a continué à lutter, mais sans jamais s'en rendre compte, parce que l'homme a banni de chez lui l'idée qu'il devait se battre. L'homme le bannit dans la société, malgré que la société continue à créer un cadre où l'homme doit lutter. Mais la société l'instruit qu'il n'a rien à faire, on s'occupe de tout. L'homme en est rendu à un point tel qu'il ne voit même plus l'utilité d'une force de police, qu'il ne voit plus l'utilité d'une force militaire, qu'il ne voit plus l'utilité de plusieurs choses. C'est sûr, comme j'ai déjà dit, que celui qui rentre dans l'armée, c'est peut-être un pauvre type. Mais soyez content qu'il y en ait des pauvres types. Alors, c'est des choses qui se font. Alors, on aura un combattant peut-être plus proche du guerrier dans la transition, c'est normal, parce que tant que l'extérieur permet à l'homme d'évoluer, ça va. Quand l'extérieur décide que là, ça suffit, qu'est-ce que tu fais? Ah, ben, tu te caches. Mais tu ne seras pas tout seul à te cacher. Fait que ça ne marchera plus. Il va falloir qu'il se passe quelque chose. Que ce soit une guerre politique, que ce soit une guerre militaire, que ce soit une guerre d'éducation, que ce soit une guerre ésotérique, il va se passer quelque chose. Parce que l'homme doit changer et ceux qui se conscientisent sont encore une minorité. Ce qui fait que la masse va risque de les écraser à un moment donné. Si on ne s'occupe pas d'eux autres, pas par la guerre, le guerrier ne sort pas son couteau et va tuer tout le monde. On n'arrivera pas à tuer tout le monde. Hein? Et quand tu tues tout le monde, ben, tu n'as plus de linge, tu n'as plus d'auto, tu n'as plus de vêtements, tu n'as plus rien parce que c'est eux autres qui te l'amènent. On l'a déjà vu ça aussi. Alors le guerrier fait quelque chose d'autre. Tu éduques, mais disons qu'on va revenir là-dessus au cours des conférences parce que c'est quelque chose qui est extrêmement long. Et si on en parle rapidement comme ça, ça ne peut pas être clair. Ça paraît trop facile aussi. Mais il y a plusieurs phases pour que l'homme devienne ce guerrier, c'est-à-dire que l'homme devienne un être autonome. Et un être autonome est un guerrier. Il n'a pas besoin des autres. C'est un guerrier, mais c'est aussi un chef. Il a l'autorité. Et ça, il faut que l'homme le développe. Pas l'autorité sur les autres, sur tout ce qui vient le chercher lui. Alors, je ne veux pas dire à un autre quoi faire, mais je ne veux pas non plus qu'on vienne me charrier et me faire faire. Et ce n'est pas un contrôle, une autorité créée par l'orgueil. Tu viens me suggérer quelque chose, je vois l'intelligence de ce que tu me dis, je le fais. Je ne suis pas ton esclave, je suis libre. Et tu viens me dire quelque chose, je ne vois pas l'intelligence, je ne le fais pas. Tu veux me convaincre, ça ne marche pas. Explique-moi, fais-moi voir, mais pas en me convaincant, hein, ou pas en me poussant, ou pas en me donnant des idées, ça ne marchera pas, ça. Pas en me faisant peur non plus. Ça, c'est le guerrier du Verseau. Et on va revenir de toute façon sur ce qu'il a affronté et comment il va se structurer au cours des prochaines conférences. OK. Une fois que j'annonce pas que ça s'est dit, que j'annonce que ça va se dire. On a chacun une croix à porter. Si on prend le cours de PMC, est-ce que cela va changer catégoriquement notre karma? Si oui, est-ce qu'il y aura un choc en retour? Ça, c'est une question que je ne réponds pas. La personne, si elle fait le PMC, elle aura sa réponse. Si elle ne le fait pas, elle aura sa réponse. Si quelqu'un se sent épuisé à force de porter son karma, on s'en sort pas, on vient au karma, est-ce possible de s'en débarrasser le plus vite possible et y a-t-il un moyen? Oui. Premièrement, je référerai la personne à une conférence que j'ai déjà faite, les pièges du karma. Ceux qui parlent de karma de cette façon-là ici, là, se font charrier par leur karma. Le karma, c'est une loi de rétribution, c'est ce qu'on pense. C'est une loi qui punit souvent et qui peut aussi récompenser. L'homme n'est pas assujetti à être puni et à être récompensé. L'homme passe entre un grand couloir de ciment. Et lorsque l'homme tente de passer dans le ciment, il se fait mal. Le mur ne le punit pas, la vie ne le punit pas, mais l'homme ne voit pas ce qu'il fait. Et plus l'homme va se frapper dans le mur, plus l'homme magane ses corps, et donc plus l'homme accumule de karma qu'il devra transporter avec lui. Payer son karma d'une façon simple, cela veut dire commencer par arrêter, observer, arriver à voir, pour cesser de se détruire. Et après ça, on pourra commencer à se guérir. Mais la personne qui veut se guérir en disant « je vais faire le bien pour compenser le mal », ça ne marche pas. Parce que dans la majorité du bien karmique qui est fait, cela ramène du mal à l'homme. Parce que l'homme fait du bien que par rapport à sa conception du bien, mais jamais par rapport aux lois qui régissent l'évolution de l'homme. C'est jamais écologique. Lui, il y a une pneumonie parce qu'il a à apprendre quelque chose. Moi, j'arrive avec mes guérisons miraculeuses, je le guéris bien raide. Faites-le bien. Je viens de détruire une possibilité qu'un être avait d'évoluer. Faites-le bien. Et karmiquement, je pogne la pneumonie. Là, je comprends pas, là. Comment ça se fait? Ah, ben d'abord, dans mon autre vie. Oui, remettons ça plus tard, parce qu'on comprend pas présentement. On pense que tout va être réglé plus tard. C'est faux. Là, je répète que le gros karma que l'homme transporte, c'est un karma relatif. C'est bien défini les formes de karma dans la conférence sur les pièges du karma, les karmas distributifs, les karmas tempérés, les karmas rétributifs, les karmas collectifs, sociétaires, les karmas individuels et le karma qui est relatif. Celui que vous vous attribuez par rapport à votre culpabilité puis par rapport à vos concepts. Celui-là, vous le transportez comme un gros sac à dos, puis plus qu'il grossit, plus qu'il vous écrase. Puis un jour, on va voir un gros sac à dos à terre, plein de karma dedans, puis on va dire, il y a quelqu'un en dessous qui est mort. C'est qui? C'est pas. Et d'autres personnes un peu fofolles veulent passer pour prendre du karma de l'autre. C'est pas ça qu'il faut faire. Il y en a beaucoup qui veulent le faire. Et le karma, on s'en libère facilement. Première chose pour se libérer du karma, c'est comprendre les mécanismes qui nous apportent du karma. Alors, vous allez quelque part et... Ben, c'est simple. Allez dans une taverne, vous allez rencontrer du monde qui boive. C'est ce qu'on disait en ancien temps. Mais c'est ça. C'est karmique. Et aller dans un endroit où on se drogue, vous allez rencontrer du monde qui se drogue. Aller dans un endroit où du monde se conscientise, vous allez rencontrer du monde qui se conscientise. C'est karmique. Aller dans un endroit où il n'y a pas d'argent, vous n'aurez pas d'argent non plus, l'argent attire l'argent. C'est karmique. Alors, il faut connaître les lois. Il ne faut pas connaître la morale qui régit ces choses-là dans notre conscience. Il faut connaître l'efficacité matérielle et on règle bien des problèmes karmiques. Mais le karma relatif, celui que vous décidez de transporter avec vous autres, votre culpabilité entre autres, pour n'importe quoi, c'est celui-là qui va vous étrangler. Puis celui-là, on s'en libère facilement, bien, on le fout poubelle. D'ailleurs, le guerrier va lutter aussi contre son karma. Parce qu'à un moment donné, le karma, il ne faut plus en avoir. Le fait de perdre la mémoire, fait perdre le karma. Perdre autre chose avec pour un bout de temps. Mais lorsque l'homme aura réellement compris dans quelle voie, de quelle façon il évolue, chose qu'on va revoir dans les conférences sur le guerrier, enfin les deux prochaines et les quatre du mois de septembre, ça va être axé juste là-dessus. Alors, le karma, il faut arriver à le balayer, c'est évident, parce qu'on ne peut pas rester enchaîné continuellement. Lorsqu'un homme a une dette, c'est un homme qui est perdu. Le karma, on appelle souvent ça une dette. On ne doit rien. Il n'y a pas de dette karmique. Il y a une forme énergétique astrale qui s'appelle le seigneur du karma. C'est une foutaise encore de vouloir accréditer ce seigneur du karma. C'est un seigneur qui est un tyran. Et un jour, vous devez non pas frapper à la porte, demander la permission, mais frapper dessus.